Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des cultures et de l'exploration dirigé par Hervé Archambault, assisté de Pascal. Émission préenregistrée le 16 juillet 2014, elle est diffusée jeudi 21 août 2014 de midi à 13h30 et de 16h à 17h30, vendredi 22 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration. Bonjour Pascal, bonjour chers auditeurs. Bonjour Philippe à la technique, bonjour le secrétariat. Attention, chers auditeurs, nous avons enregistré cette émission, donc hélas, nous ne pourrons pas lire vos remarques en direct. Une fois n'est pas coutume, c'est l'été et la pause estivale où tous les aventuriers sont partis et nous essayons de faire des dominos, c'est-à-dire des enregistrements pour profiter des dernières disponibilités de nos chers invités. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir retenu à Paris pour nous Bernard Descrêts, le président de l'association L'Oiseau Blanc. Avant d'aller plus avant dans cette aventure, cette investigation, je vais demander à Bernard Descrêts de nous présenter ce que nous allons entendre à l'instant, les deux aviateurs, une chanson particulière que vous avez souhaité nous apporter aujourd'hui. Oui, pour être très bref, l'histoire se passe, c'est le premier vol Est-Ouest qui va être tenté en 1927, le 8 et 9 mai 1927, de Paris, le Bourget, jusqu'à New York normalement. Mais l'avion, on le sait maintenant, a réussi cette traversée, mais en se posant, pas à New York, il n'avait pas assez d'essence, mais devant Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont des îles françaises qui se trouvent à la même latitude que Nantes, mais il fait beaucoup plus froid parce que vous avez le courant du Labrador. Et ces îles françaises sont composées de trois types de régions françaises, enfin l'origine, c'est des Bretons, un tiers de Bretons, un tiers de Normands et un tiers de Basques, car ce sont les anciens pêcheurs qui allaient à la pêche à la morue. Et les pêcheurs de là-bas savaient parfaitement que l'Oiseau Blanc, l'avion de Charles Nungesser et de François Colly, était tombé dans leur rocher, enfin tout près de chez eux. Donc il y avait cette nostalgie, ce chant vient de ces pêcheurs qui savaient que ces pauvres aviateurs étaient tombés par là. Alors écoutons les deux aviateurs. Deux aviateurs confirment dans leur projet traverser l'Atlantique. Deux aviateurs confirment dans leur projet ont quitté le Bourget. Et profitant d'un image au même temps, dans l'espace il s'élance. Tout de monter sur un bel oiseau blanc pour vaincre l'océan. Ils sont partis tous les deux à travers les cieux, le sourire aux lèvres, sans crainte de l'ouragan ni du mauvais temps que la brise soulève. Dans l'espoir d'arriver, se sont envolés, sublime conquête, bravant le danger, la mort qui les guette. Voilà deux jours que nos gars sont partis dans la vive lumière. Sont-ils vivants ou sont-ils engloutis dans l'océan maudit? De part on entend l'annoncer une vive nouvelle qui nous dira si nos gars sont pas. cependant rester seul à Paris, une pauvre mère, qui n'oublie pas que son cher petit, avant lui a dit, je pars sur mon père oiseau blanc, t'inquiète pas maman, je reviendrai vite, c'est pour que tous les pays soient bientôt avec Amérique. Joyeusement je m'en vais apporter de la paix et de l'espérance. J'apporte avec moi le baiser de la France. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alors c'est sur le baiser de la France, donc la chanson des deux aviateurs que nous avons écoutée en introduction de cette émission consacrée à l'oiseau blanc, ce fameux avion de Charles Lingesser et François Colly qui a traversé l'Atlantique d'est en ouest mais qui a dû avoir un amérissage fatal dans les brumes a priori de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors aujourd'hui on vous reçoit Bernard Descrêts avec grand plaisir parce que c'est la troisième fois que vous venez avec enfin cette fois le livre de votre aventure d'investigation pour vous et vous étiez un petit peu vous avez peut-être toujours été un peu dépassé par l'idée selon laquelle Lingesser et Colly avaient bien réussi cette traversée et même si 10 jours après Charles Lindbergh emportait le défi immense de cette traversée de New York vers la France, il est atterri au Bourget. Donc c'est le chemin inverse qu'avait prévu de faire Lingesser et Colly 20 jours avant, et vous teniez à cœur de plonger dans l'histoire et vraiment avoir les preuves de cette traversée, de cette première traversée française du Bourget jusque Saint-Pierre-et-Miquelon, avec un trajet prévu jusqu'à New York. Oui, mais écoutez, je ne sais pas si vous imaginez, moi je ne peux pas endormir la nuit depuis 6 ans, parce que je trouve qu'en France, en ce moment, on manque beaucoup de héros, vrais héros. Et là, voilà un héros, Charles Lingesser et son navigateur François Colly, qu'on associe bien entendu, ont fait une traversée fabuleuse. Et je m'aperçois que là aussi, une nouvelle fois, on transforme l'histoire et on dit, pour des raisons diplomatiques, politiques vis-à-vis de Lindbergh, qu'ils sont tombés en manche. Même de grands journalistes spécialisés sur des grands médias disent qu'ils sont tombés en manche. Et en manche, c'est-à-dire vraiment à deux pas de leur, à deux ailes de leur départ. À 3 heures du Bourget, enfin à 2h30 du Bourget. Alors que la traversée aura duré plus de 30 heures. Lindbergh a fait sa magnifique traversée de New York à Paris en 33 heures avec les vents arrière. Et là, Charles Lingesser et François Colly, on estime qu'ils étaient à 35 heures de vol quand ils sont arrivés pour se poser devant Saint-Pierre-et-Miquelon. Car les avions volaient à 160 à l'heure, pas plus. Et les moteurs, le problème, c'est la consommation d'essence. Donc c'est une histoire fabuleuse. Et pourquoi j'insiste et pourquoi ça m'empêche de dormir, c'est que je trouve qu'en France, on devrait non pas enterrer des héros, mais les remettre en valeur. Et on n'a pas le droit, vis-à-vis de l'honneur de notre pays, de les laisser tomber. Et surtout pour notre jeunesse aussi. Hein. Et puis de leur histoire personnelle, parce que deux aviateurs, enfin un navigateur, il faudra aussi bien expliquer à nos auditeurs la différence entre un pilote et un navigateur, justement. Même si aujourd'hui il y a beaucoup d'informatique et beaucoup d'électronique embarquée dans les avions, à l'époque c'était le navigateur qui s'occupait de tout ce qui est aujourd'hui calculé par les ordinateurs de bord. Oui, mais les deux devaient être excellents pilotes en même temps. Il ne faut pas oublier que François Colly avait eu un record de traversée de la Méditerranée. François Colly vient de la marine marchande et du reste, il ne faut pas oublier non plus qu'on dit aéronautique. Pourquoi dit-on aéronautique? Parce que aéro, on est dans l'air, et nautique, parce qu'il faut bien naviguer. Et autrefois, les avions n'avaient pas de GPS ou de trucs comme ça, ils avaient un compas. C'est-à-dire que on faisait le point au sextant. Même dans les avions, il n'y a pas, enfin, pas si longtemps, vers les années 50 ou avant, on pouvait faire le point au compas. Donc c'est, il fallait des navigateurs, les meilleurs navigateurs étaient des marins. Du coup, cette traversée avec ce défi français, hein, finalement, de partir du Bourget jusqu'à Saint-Pierre-Miquelon, en direction de New York, ils ont décidé de faire cette traversée avec d'abord une quantité phénoménale d'essence, même à larguer, prévoir de larguer leur réservoir pour pouvoir gagner du poids. Comment ça s'est passé? Vraiment, il faut pas dormir. Il faut prévoir de pas dormir pendant plus de 30 heures. Et ensuite, pas de ravitaillement en vol, à l'époque. Je vais repréciser ce que vous venez de dire. C'est que quand vous avez un vol qui va durer 30, 33, 35 heures, vous ne dormez pas 24 heures avant. Parce que vous partez pas comme possible. Ça. C'est pas possible. Donc, ils vont pas dormir pendant 50 heures, même s'ils vont avoir des piqûres de cocaïne ou des piqûres de caféine ou je ne sais quoi pour à l'époque, pour rester endormis, rester éveillés. Ensuite, ils n'ont pas largué de réservoir, mais ils ont largué le train d'atterrissage après le décollage. Car c'est un avion de l'aéronaval. C'est des premiers avions qu'on a vus sur le premier porte-avions de l'époque qui était le Béarn. Et cet avion-là, pour alléger, alors effectivement, ce que vous disiez est très juste. C'est un avion qui sont des vraies bombes volantes parce qu'il fallait amener beaucoup, beaucoup de carburant. Il faut pas oublier que dans les années 26-27, même 25-26-27, la grande traversée, c'était la traversée de l'Atlantique qu'il fallait faire. J'en profite pour vous dire que deux Anglais, Alcock and Brown, ont fait une traversée de l'Atlantique, sans doute même traversée la première, mais de Saint-Jean-de-Terre-Neuve en Irlande. Il faut préciser seulement que Saint-Jean-de-Terre-Neuve, c'est 3500 km, ce qui est un exploit. À l'époque, en 1919, sur un Vickers bimoteur, c'est un exploit, il faut le redire. 8 ans avant. Oui, il faut le redire parce que ça, c'est faut le redire parce que quand on parle de Lindbergh, on dit c'est le premier. Non, oui. Lindbergh a fait la première traversée, la grande traversée, New York-Paris. New York-Paris, c'est presque 6000 km. Alcock and Brown, c'était un exploit remarquable. On fait 3500 km. Mais de Saint-Jean-de-Terre-Neuve en Irlande. Toujours est-il, c'est que le problème à cette époque-là, d'abord les avions avaient fait beaucoup de progrès grâce, malheureusement, mais c'est toujours la même chose, grâce aux guerres. La guerre 14-18, entre 14 et 18, il y a eu des progrès phénoménaux. Vous avez tous entendu parler du tir à travers l'hélice, de Roland Garros, etc., tous ces pilotes qui ont fait faire des progrès énormes à l'aviation. Donc, à la fin, en 18, les avions allaient beaucoup plus vite qu'au début, en 14. On a fabriqué des milliers d'avions, donc c'était de mieux en mieux. Et ces avions-là avaient un problème, c'est qu'ils n'étaient pas très rapides. Ils volaient à 160, 170 km/h maximum. C'était souvent des biplans. Et là, il y a une grosse différence entre l'avion, j'en parle tout de suite, entre l'avion de Lindbergh et Charles Lindbergh, le Spirit of St. Louis, qui était un monoplan, et l'avion de Charles Nagesser et de François Colly, l'Oiseau Blanc, qui était un biplan. Donc le biplan, il frotte plus sur l'air, donc il va un peu moins vite. Mais le gros problème, là je regarde en 1925, 1926, 1927, il y a eu au moins 20 à 25 appareils qui ont essayé de faire cet exploit. Car il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi une carotte. Il y avait 25 000 dollars qui étaient promis par un riche Américain d'origine française, basque exactement, oui. Monsieur Ortegue, Raymond Ortegue, qui avait des hôtels à New York et qui a gagné bien sa vie, et qui a dit, mais la grande traversée, ce qui nous amènera les touristes et vice-versa, ce sera Paris-New York. Ce sera la grande ligne. Très visionnaire. Ah, mais oui, il n'avait pas beaucoup de... Oui, c'était vrai. Et ensuite, pour mes hôtels, ça sera très bien. Donc, je vais mettre 25 000 dollars au premier équipage qui fera Paris-New York ou New York-Paris. Et ça, il l'avait dit même vers les années 1920. Mais le problème, c'était, a-t-on des avions suffisamment capables d'emmener... Sans grand risque, 4 tonnes d'essence pour décoller. Le problème était au décollage. Car on savait, on pouvait faire des raids en 1927, juste à la date de l'Oiseau Blanc. On avait fait déjà des raids, mais au-dessus de la Terre. Ouais. On pouvait faire des raids de 5000 km, 6000 km. Mais bon, votre moteur s'arrêtait, vous posiez dans un champ ou sur un terrain. Tandis que là, traverser l'Atlantique, vous étiez sûr que si le moteur s'arrête, vous êtes fichu. Voilà. Donc c'était un risque inouï. Donc il y a eu une vingtaine d'appareils qui ont essayé, mais beaucoup. Il y a eu au moins plus de 12 morts au décollage. Et est-ce qu'on peut revenir justement sur l'historique finalement de Nagincert et Colli? Comment en sont-ils venus à ce magnifique défi en fait? Alors, c'est pour ça, c'est une belle histoire on, aussi, on revient sur ce héros qui était Charles Nagincert. Et c'est ça qui me révolte, c'est qu'en France, là heureusement on commence à bouger grâce à vous, grâce aux médias, sur l'histoire de l'oiseau blanc, parce que on n'a pas le droit de dire qu'ils sont tombés en manche, que l'avion était mal préparé, etc. Non, ils ont réussi la première traversée Est-Ouest et c'est un exploit formidable. Charles Nagincert était beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France. Mais il énervait nos institutions et nos pouvoirs publics comme d'habitude. En France, on n'aime pas les gens qui gagnent, on n'aime pas les entrepreneurs, on n'aime pas, et ça c'est scandaleux. On aime que les fainéants. Non, je pense pas. Heureusement qu'il y a des Français qui se débrouillent et qui marchent bien. Voilà, Charles Nagincert, je suis tombé sur un journal aux États-Unis, dans les archives, où on disait les deux Français les plus connus. Bon, le journaliste américain était peut-être texan, voire marseillais. Il disait les deux Français les plus connus, c'est Napoléon et Charles Nagincert. Mais il faut pas oublier que Charles Nagincert, ça vous fait sourire, mais Charles Nagincert à l'époque, d'abord, c'était un as. Oui. De la guerre 14-18. Le troisième as, le premier, c'était Fonck, avec 70 victoires, un peu plus. Ensuite, Guimer, et puis ensuite, il y avait... Mais le plus médiatique, c'était Charles Nagincert. Mais Charles Nagincert, après la guerre 14-18, il avait son hôtel particulier en bas des Champs-Élysées, et il allait au Fouquet's. Mais je crois que les Français n'aiment pas les gens qui vont au Fouquet's. Je sais pas pourquoi, moi je préfère le Fouquet's qu'au McDo. Hein. Et là vous avez, non mais je tiens à vous dire, pour ceux qui vont quand même sur les Champs-Élysées, il y a un bar au Fouquet's qui s'appelle le bar des aviateurs, le bar des As. C'est quand même aussi un lieu de reconnaissance. Pourquoi? Parce que pendant la guerre 14-18, on en parle beaucoup, la guerre 14-18, c'est normal, ces aviateurs-là allaient sur les lignes et se tirer l'un contre l'autre comme des chevaliers du ciel. Ils s'admiraient, le baron rouge admirait, etc., Nagincert, etc., et vice-versa. Et ils allaient au combat, ils avaient une chance sur deux de ne pas revenir, et le soir quand ils revenaient, ils prenaient leur voiture de sport, parce que c'était des têtes brûlées. Ils revenaient à Paris, et là, ils prenaient le champagne, ils voyaient leurs copains, leurs copines, et puis le lendemain, ils disaient, demain soir, je ne serai peut-être pas au Fouquet's. Non, faut voir, c'est des héros. Ils voyaient les poilus qui étaient bloqués dans leur pauvre tranchée, et les poilus qui les admiraient, qui les applaudissaient. Alors, je trouve que on a un héros, Charles Nagincert, qui était un as de l'aviation, qui a été aux États-Unis tourner un film sur ça, parce qu'on lui a demandé, à Hollywood. Il était marié à une Américaine, il fait 55 meetings là-bas, il est le plus connu, etc. Je suis tombé sur une lettre du pauvre conseiller militaire à l'ambassade de Washington à l'époque, qui lui envoie une lettre disant « Vous n'avez pas le droit de vous balader en uniforme d'officier français sans mon autorisation ». Il oubliait complètement que c'était un as de l'aviation. Mais il faut remettre à leur place les héros, les vrais héros, et Dieu sait s'il y en a, au lieu de mettre n'importe qui dans les médias ou les... Bon voilà. Bernard, on a compris. Allez, on a compris. Nous sommes là avec vous pour parler des belles réussites de nos aviateurs, n'est-ce pas? Le 8 mai 1927, donc à 5h21, ils décollent du Bourget. Ils réussissent à larguer leur train d'atterrissage qui est un handicap de poids pour leur avion. Et enfin, ils se battent plus de 30 heures pour rester éveillé. Alors vous nous disiez que on piquait à de la cocaïne ou autre chose pour essayer de pas dormir, des excitants. Non mais le problème, ils savaient d'abord une chose que tout le monde doit connaître, c'est ils allaient dans le mauvais sens, contre le vent. Contre le vent. Contrairement à Lindbergh. Mais regardez, quand vous prenez l'avion pour Montréal ou pour New York, vous mettez une heure de moins, même maintenant, que pour faire Paris-New York, c'est vrai. Hein. Donc là, c'était pareil. Et mais le général Delcampe, qui était patron de la météo, leur dit « Messieurs, vous allez avoir exceptionnellement des vents d'Est ». Donc ils sont partis le 8 mai 1927 à 5h20 du matin. Avec cette fenêtre météo. Voilà. Pascal, alors, nous sommes chers auditeurs, voilà, nous sommes sur Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration, se dirigé par Hervé Archambault, avec l'assistance de Pascal. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Decret, qui est président de l'association à la recherche de l'oiseau blanc et enquêteur, et notre Sherlock Holmes de l'aviation, pour nous parler de cette première traversée Est-Ouest de l'Atlantique. Je vous rappelle que malheureusement, cette émission étant préenregistrée et du fait des conditions estivales, vous ne pourrez malheureusement donc participer en direct à l'émission, mais néanmoins vos messages seront les bienvenus au secrétariat. Merci Pascal et merci Philippe à la technique qui nous suit pour cet enregistrement. Alors Ningesser et Coulis, premier vainqueur de l'Atlantique, c'est aux éditions Artaud, L'Oiseau Blanc, par Bernard Descrêts et également Vincent Mangaillard, qui est journaliste d'investigation au Parisien. Alors Bernard Descrêts, parlez-nous de votre excusez-moi, comparse. Petite rectification, Bernard Descrêts. Descrêts, je veux mettre un accent au premier E, pardonnez-moi. Donc c'est D-E-C-R-E, accent aigu, Descrêts. Oui, et vous appelez Bernard, ce sera plus facile. Hein, appelez-moi Hervé. Voilà. Alors, oui, bon, parlons donc de Vincent Mangaillard, qui vous a suivi très longtemps. Je tiens à rendre un hommage tout particulier à Vincent, qui me suit, qui est grand journaliste d'investigation au Parisien, et qui me suit depuis 5 ans. Et j'ai appris, et là, il faut rendre hommage aux grands et vrais journalistes, quand j'ai apporté mes 300 pages que plusieurs éditeurs voulaient, parce que l'histoire est fabuleuse. Mais je ne suis qu'un enquêteur moyen, mais acharné. Acharné, hein. Oui, puis têtu, mais je crois qu'il faut être têtu. Hein. Et puis en même temps, j'ai d'excellents amis qui me disaient, mais Bernard, et j'en ai spécialisé, qui me disaient, Bernard, tu te lances dans une opération, mais tout le monde sait qu'ils sont tombés en manche. Des journalistes spécialisés, aviation, qui sont toujours des amis. Et puis, ils se sont piqués eux-mêmes au jeu, en disant, mais attends, ce que tu apportes, ça a l'air solide. Et ce que j'ai trouvé surtout, parce que ça fait 6 ans que je prends à peu près 50 heures par semaine depuis 6 ans là-dessus, sauf le mois de juillet, sauf le mois d'août où je suis avec mes enfants et petits-enfants. Rassurez-nous quand même un petit peu. Oui, mais en même temps, c'est eux, mon fan club, donc qui me parle de L'Oiseau Blanc. Puis c'est à cause aussi que vous vous êtes intéressé à l'affaire. Absolument. Donc, cette histoire est vraie et réelle. Et quand j'ai apporté mes 300 pages chez l'éditeur, Artaud, ils m'ont dit, écoutez, on a un excellent journaliste d'investigation, c'est Vincent Mangaillard. Je dis, ben, ça tombe bien, je le connais bien, et c'est un homme très sérieux. Et il m'a été comme un professeur, c'est-à-dire qu'il a pris mes 300 pages, en disant, Bernard, on va prendre page par page, et tu vas me prouver tout ce que tu dis. C'est-à-dire, tu vas m'apporter les vraiment, c'est une vraie enquête. Et il a une excellente plume. Et on a fait ça ensemble, et on a maintenant un document, je l'ai fait exprès, il est sorti il y a maintenant quelques mois, au Salon du Livre pratiquement, au dernier Salon du Livre, et c'est un vrai document. Je me suis dit, tout le monde est mortel, il faut au moins écrire un document pour que par la suite, les gens savent exactement ce qui s'est passé. Absolument, oui. Et je pense que c'est important parce que, bien sûr, j'ai trouvé énormément de choses dans les archives, parce que c'est là où on trouve les choses. Et puis là, on continue tous les ans à faire ces recherches sous-marines dans l'espoir de retrouver le bloc moteur qui fait 450 kilos. Et tous les ans, on a des informations plus précises, même 87 ans après, vous vous rendez compte, sur l'endroit où ils auraient pu se crasher. Puis on a d'autres informations aussi très précises qui confortent que notre hypothèse est la bonne. Alors, cette vérité, cette investigation menée par vous-même, Bernard Descrêts et Vincent Mangaillard, ça donne un formidable roman, presque un polar, dirions-nous. Oui. Et une preuve à chaque page, c'était la condition de l'éditeur Artaud et de votre collaboration avec Vincent Mangaillard. Alors, ces preuves, vous allez les chercher, notamment, j'ai le souvenir de ce que vous nous aviez dit dans les précédentes émissions, auprès des archives de la marine américaine, notamment, qui consignent avoir repêché ce qui ressemblerait à être un fuselage d'avion, en fait des toiles, hein, une armature toilée, et vous en avez la certitude par le journal de bord d'un des oui. bateaux de guerre américains qui repêche ce fuselage, et donc là vous vous dites, est-ce que c'est cette preuve-là, cette première preuve irréfutable, est-ce que ça a été celle-ci? Mais quel a été ce faisceau de preuves qui vous est dit vraiment, là, je tiens mon affaire. Oui, vous avez raison, vous avez pratiquement bien résumé. Le fuselage, c'est plus les ailes qu'ils ont trouvées. Oui. Bon, mais je vais vous dire, le premier document que j'ai trouvé qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est à Aix-en-Provence. Parce qu'il faut savoir que, d'abord, j'ai une grande admiration, je critique quelquefois nos pouvoirs publics. Deuxième couche. Nous avons aussi d'excellents fonctionnaires. Et je tiens à dire, par exemple, les archives. J'ai une admiration pour les archivistes. Et à Aix-en-Provence. Je suis allé à Aix-en-Provence plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que ce sont les archives des anciennes colonies et anciens territoires d'outre-mer. Ils sont à Aix-en-Provence. Donc c'est très simple. Moi, mon histoire se passe en 1927. Et même plus précisément, le 8 et 9 mai 1927. Donc ça, c'était facile. Et mon hypothèse et mon enquête se trouvent à Saint-Pierre-Miquelon. Donc je demandais Saint-Pierre-Miquelon les documents à partir du 9 mai 1927. Et là, je tombe sur une lettre, sur un papier d'écolier, l'original, hein, papier d'écolier d'un pêcheur de Saint-Pierre-Miquelon, qui s'adressait au gouverneur de Saint-Pierre-Miquelon. Le gouverneur, c'est un peu le préfet, si vous voulez, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et qui lui disait, monsieur le gouverneur, nous sommes ennuyés car avec mes confrères pêcheurs à Saint-Pierre-Miquelon, on a dans la brume rencontré des Coast Guards américains, des petits Coast Guards, des navires rapides, qui sont dans nos eaux territoriales, qui vont à toute vitesse dans le brouillard, ils sont dangereux pour la navigation. Il y en a un qui nous a coupé nos lignes, il est revenu, il nous a offert une boîte de cigares pour s'excuser. Mais, monsieur le gouverneur, ne sont-ils pas là plutôt pour rechercher les restes de nos aviateurs ? Quand vous tombez sur un document comme ça, d'époque, d'un pauvre pêcheur qui dit au gouverneur « Ne sont-ils pas là pour rechercher les restes de nos aviateurs ?» C'est signe qu'il se passait quelque chose dans le coin. Ou qu'on avait entendu quelque chose. Oui, parce que oui non, mais il y avait quelque chose. 450 kilos, ça s'entend. Parce que, oui, clair. Et puis ils n'étaient pas tellement au courant de... Voilà. On leur a dit qu'il y avait sans doute un avion qui était tombé dans le coin. Et à partir de là, et en bas de sa petite page d'écolier, il dit « Monsieur le gouverneur, à tout hasard, je vous marque les noms des Coast Guards, parce qu'ils étaient tout près. » Donc il marque les 5 ou 6 noms des Coast Guards. J'envoie immédiatement un mail au conservateur à Washington, à la NARA, National Archives Records Administration, les archives officielles du gouvernement américain, en disant « Je voudrais transmettre ça à votre spécialiste marine, Monsieur Mac Mullen, j'ai appris à le connaître, c'est un homme charmant, et qui s'est piqué au jeu lui aussi, là-dessus. » Et je lui ai dit « Écoutez, Marc, est-ce que vous avez les livres de bord des Coast Guards ?» Et je donne la liste des 5 ou 6 Coast Guards que j'avais eus. Il me dit le lendemain, par mail, « Écoutez, on en a 4 sur 5. » Je dis « Ben j'arrive. Je prends l'avion, je viens vous voir, je vais consulter ces livres de bord. » Et à partir de là, non seulement j'ai trouvé 4 ou 5 livres, mais d'autres disant textuellement que courant mai, début juin, le CG de... CG, je veux dire, Coast Guard, les petits Coast Guard, CG 235, CG 240 et CG 290 tied up the piece of wing. Ont remonté les morceaux d'ailes. Un peu plus loin, je tombe sur une correspondance, un double d'une correspondance d'un télégramme des Coast Guards disant carrément « Nous sommes à côté... » Et ça, c'était début août 1927, donc un petit peu plus tard. Mais aussi un peu plus loin, parce que le courant du Labrador entraîne les choses. Et ça, c'est parce que je suis marin que je connais un peu ça, et savoir que le courant peut entraîner les épaves très loin. Et là, un Coast Guard qui dit carrément... nous sommes à côté de deux ailes blanches, l'une au-dessus de l'autre, sans concrétion, donc assez récente. Oui. Nous sommes sans doute à côté de morceaux d'épave de l'avion d'un GCR Ecoli. Que doit-on faire ? Et là, silence. Silence radio. On leur demande silence, plus rien. De ne rien dire. Non, il faut, oui. Donc, confidentiel. Donc, c'était déjà des éléments troublants. Parce que deux ailes blanches, une au-dessus de l'autre, on a affaire à un biplan, à peu près à la même époque, sans concrétion, donc récent. Mm. Bon, donc il ne faut pas oublier que... Bon. Et puis récemment, plus récemment, un pêcheur de homard de Cliff Island, près de Portland dans le Maine, j'avais entendu parler de cette histoire-là, aurait repêché des morceaux dans ses lignes de casier à homard vers les années 60, 58-60. Je suis allé le voir, j'ai retrouvé le petit père qui a 90 ans, qui me dit bah, « effectivement, c'est des morceaux d'avion ». Et là, il y avait, sur le quai, quand on a ramené ça, un Français passionné d'aviation qui nous a dit « mais attendez, ne jetez pas ça, c'est peut-être de l'oiseau blanc de Nagesser et Colli ». Et là, le consul s'est mis dans le coup, on a mis ces morceaux-là dans une caisse qui est partie à l'ambassade de France à Washington, qui allait par la valise diplomatique jusqu'à Paris pour les affaires étrangères, et là, je perds la trace de la caisse. Mais j'ai les photos. Et on peut s'imaginer que c'est les dessus des réservoirs de l'oiseau blanc qui était métallique et peut-être une partie du pare-brise. Alors, tout ça. Et puis alors, ce qui m'a intéressé, énormément intéressé, c'est à chaque fois que je demandais d'avoir une autre preuve du passage, par exemple le phare de Capres, qui se trouve en bas de Terre-Neuve, où je suis sûr que l'avion est passé, on me dit, mais oui, on a toutes les archives du mois de mai, de 1927, sauf le mois de mai. Monsieur Bench, le gouverneur de Saint-Pierre-et-Miquelon, je demande les archives de mai, juin, juillet, de... Ah non, elles ont disparu, elles ont brûlé. Et je m'aperçois que les 13, il y a eu 13 témoins oculaires et c'est puis pas rien, ouais. Oui, à Terre-Neuve. Mmh. Et là, il y a eu une campagne en disant, revenez sur votre déclaration comme quoi vous avez bien vu ou bien entendu l'avion. Et ça n'a pas marché. Donc à chaque fois, on voit qu'on a voulu étouffer l'affaire. Et je pourrais vous dire, mais je vous le dirai un peu plus tard peut-être, mais je vous le dis maintenant. Allez-y. On n'a pas voulu faire... C'est un peu la conclusion de pourquoi on a voulu enterrer cette histoire-là. Lindbergh a fait un exploit fabuleux. Lindbergh, qui était un navigateur qui avait 4 ans, simplement, qui pilotait. Hein. Donc ce n'était pas un as de l'aviation, mais c'était un bon pilote. Il a sauté aussi 3 fois de son avion en parachute parce qu'il était perdu. Mais c'est un fou. Mais ils étaient tous fous. Ils étaient tous fous, voilà. Ouais. Il fallait être un peu fou pour faire. Mais j'aime bien Eric Lindbergh. Il était un peu simplet. Charles Lindbergh. Oui. Il était un peu simplet aussi. Hein. Et il était passionné par la technique aviation. Je dis ça parce qu'on lui a reproché, c'est vrai. Il a été entraîné ensuite vers les nazismes, etc. Mais ce qui l'intéressait chez les Allemands, c'était de la technologie. Des avions, ils étaient les plus forts. Donc il a suivi ça. Et ensuite, il s'est aperçu qu'il était exploité par eux et il est revenu vite aux États-Unis. Bon, pour faire court, c'est cet oiseau blanc qui était un Loren Dietrich, qui était un levasseur et le moteur Loren Dietrich, faut le remettre à sa juste place. Et voyez ce livre, vous me posiez la question, oui. Ce livre et les documents que j'ai trouvés, je les ai déposés aussi à Lausanne, à la FAI. La FAI, c'est Fédération Aéronautique Internationale. Oui. Pour que la Fédération Aéronautique puisse reconnaître ce premier vol Est-Ouest. Et il a été accueilli comment? Très bien. Non, mais vous savez, c'est une institution extrêmement sérieuse. Oui. Donc je dois passer en commission, je suis déjà passé en commission devant la commission Histoire, Arts et Lettres de l'Aéroclub de France, oui. Qui est une institution. Et il m'avait dit, écoutez, monsieur Decré, oui, on veut bien vous recevoir, vous aurez 20 minutes, et on sera 7 ou 8 pour vous recevoir. Eh bien, au lieu d'être 7 ou 8 pour me recevoir, ils étaient 20. Et toute la commission était là, et ils m'ont reçu pendant 2 heures, ils sont levés, ils ont applaudi. C'est magnifique. Donc, c'est des satisfactions. C'est sûr qu'on a fait un bon travail, et on va même beaucoup plus loin, et même depuis ce livre qui est sorti il y a 3 mois, j'ai même découvert d'autres choses inouïes. Ah oui? Et qui sont des preuves allant dans le bon sens. Encore d'autres? Oui. Mais peut-être l'objet d'un second ouvrage? Ça sera la suite, mais c'est très important, il faut le faire de manière diplomatique, parce que je termine ce que je disais tout à l'heure concernant Lindbergh. Pourquoi on a voulu un peu étouffer l'histoire de Nagesser et Colli? C'est parce que Lindbergh, en plus de son vol historique, planétaire, c'est un héros planétaire, Lindbergh, on l'enverra jamais. On n'enlèvera jamais cette image-là. Mais il faut qu'il laisse une place aussi à Nagesser et Colli, qu'on fait le 11 jours avant. Parce que Lindbergh est devenu un diplomate entre les États-Unis et la France. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une certaine tension. On devait une grosse somme d'argent aux États-Unis, les dommages de guerre de la Première Guerre. Et il y avait une certaine tension entre notre gouvernement et le leur. Et je me suis aperçu d'une chose, de négociations qui ont, en partie, on leur a demandé de mettre profil bas à l'oiseau blanc, car il ne fallait pas entacher le rôle d'ambassadeur de Lindbergh. Et Lindbergh n'a jamais su qu'il avait un rôle d'ambassadeur, qui a été génial. Et c'est pour ça qu'on a voulu étouffer cette histoire, à mon avis, avec les deux accords des deux gouvernements. Pour pas faire d'ombre à une réussite, sachant que l'avion, l'oiseau blanc, hélas, lui, c'était abîmé en mer. Oui. Et il y a peut-être eu un succès. Et vous avez bien deviné aussi, vous le verrez dans le livre, ils sont arrivés dans un nid de guêpe. Nagesser et Colli vont survoler une île qui était un nid de guêpe. Au sens où... C'était la prohibition. C'était la prohibition, voilà. Mais demandez, c'est ça qui est terrible, demandez un bon bouquin à la FNAC ou autre sur la prohibition, vous n'en avez aucun. Moi qui ai une culture limitée et... Le meilleur livre sur la prohibition, c'est Tintin en Amérique. Oui, je suis d'accord. Vous avez on écrit les policiers qui saluent sur... les gangsters, vous vous souvenez? Oui. Ben, c'est un peu ça, c'est la période de lawless. Vous savez ce que ça veut dire? Période sans loi aux États-Unis. Et de 1919 à 1935, c'est la durée à peu près officielle de la prohibition, parce que ça durait plus longtemps et ça démarrait plus tôt. Saint-Pierre et Miquelon vit avec des centaines de bateaux qui arrivent chargés de millions de bouteilles de champagne, de Bordeaux, etc., pour servir les États-Unis et le Canada. Et autour de Saint-Pierre, ben, vous avez des Coast Guard, vous avez des visites d'un certain Al Capone, Alphonse Capone, qui était d'une très grande famille italienne, baptisé, etc., mais qui faisait un certain commerce, et voilà. Et ils allaient vérifier les stocks à Saint-Pierre et Miquelon. D'ailleurs, il y a des questions de l'administration américaine à ce fameux gouverneur français de Saint-Pierre et Miquelon, lui demandant ce qu'il peut bien faire avec même pas 500 personnes dans le village à boire tant et fumer tant. Là, vous faites allusion à une lettre que j'ai trouvée de Paul Claudel. Paul Claudel était ambassadeur de France à Washington à l'époque. Et il envoie une lettre, un courrier à M. Bench, en disant « Monsieur le gouverneur, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le gouvernement américain me demande pourquoi vous recevez autant de bouteilles alors que mes services me disent que vous n'avez que 6 000 habitants, alors que vous avez reçu 5 millions de bouteilles de champagne l'année dernière, 4 millions de bouteilles de Bordeaux, 3 millions de bouteilles. » Alors, le gouverneur, il se dégonfle pas, il dit « Monsieur l'ambassadeur, Excellence, vos chiffres sont parfaitement exacts, mais je dois apporter une précision. Ma population est un peu spéciale, elle est composée d'un tiers de Bretons, un tiers de Normands et un tiers de Basques. » Quelle excuse. Ben oui, c'est les particularités qui permettaient d'abreuver la en ces temps de prohibition. Alors, nous allons faire un petit plongeon dans les années folles et je vous propose d'écouter Un cœur partagé, J'ai deux amours, interprété par Joséphine Baker, qui est l'égérie donc, des années 30. Nous allons écouter ce beau morceau. Ta savane est belle.